kuleka ngaka kanini ngokuthi ingawa kolongola te kubakisate Church is back Tikilanga minundu linganga kusomo Aime moi simplement Nazananga tena mbongo Kasi sentiment kunantima Ekomi utebode Salanga te kolo Mbaenga te miwe Amoureza euro ya ganka Yawe imo kwa tinaka Tolinga naka lakala Depuis la nuit des temps ala Oh la la Tikilanga minundu Météo na yango orage, Kulingwe kotien tempéri, Namote ma mauvais temps, Demonanga li kukuma, Soki e komi e payouza, Yebango mono nazo yema, Avec des larmes dans la voix, Après toi na kumalate, Timo polo awanase, Bamou pe bango na mama melo, Bakoko mo balana am. Alleluia, olala mama, Sotu ya mama Atikanga itutu ya Nzina ya vii Na imoko masamu Lelo itinga isukuma Na mutema iswinga minu Ayaya lelo nanyati Jubete kasi esikoyo Sure ya sandrine ezalaki Mwana moninga Ata mungo na mutsambu Eko kota katendenge Oko tinga nesprie amen Jean-Jacques Bayonne, le géant. Anna Chemo Oloa Ilunga wa Mutombo Vero Moulanga Zeka Jazz Bakoto Enise Dase Tête de veau